Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque, je suis Mikado Twix et aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Manche Disque, je suis accompagné de mon comparse Mr. Wiz. Bonjour Mr. Wiz. Bonjour Monsieur Twix, comment allez-vous bien ? Eh bah écoute, ma foi, très bien parce qu'encore une nouvelle fois pour ce deuxième épisode de Manche Disque spécial 45 tours, eh bah on enregistre encore une fois face à face et je te cache pas que je ne boude pas mon plaisir. Eh bien moi non plus. Alors, pour la dernière fois, la règle reste inchangée parce que sincèrement, on avait matière à même peut-être encore plus à faire au moins deux numéros sur l'univers des 45 tours. Oui, c'est pas fini. Ouais. Et c'est, encore une fois, on a trouvé que le déroulé d'émission fonctionnait bien. Donc, on va faire une première partie sur, on va dire, les œuvres jeunesse. Hein, ça peut être dessins animés, ça peut être des trucs pour les tout petits. Ensuite, on attaquera nos titres francophones que les disques nous possédions et pourquoi on a envie d'en parler. Et enfin, pour cette dernière émission de Manche Disque, Wiz et moi, pareil, nous sélectionnerons deux titres internationaux. Je confirme, tout à fait. Alors, on va commencer donc par ton premier choix, rubrique jeunesse. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné, Monsieur Wiz ? Eh bien, une fois de plus, je continue sur une année fétiche. Tout tourne autour de toujours la même année. Donc, ça sera encore en 81. Ah oui. Et voilà, pour pas changer. Et c'est ma grande amie Chantal Goya. Chantal, c'est vrai qu'on a parlé de Dorothée la dernière fois. Et voilà, donc là, c'est Chantal, Marie-Rose, qui nous chante Booba, le petit ourson. Wesh gros. Tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Boubam, boubam. Ça a marqué plus que le dessin animé, parce que c'est assez épouvantable à regarder aujourd'hui. Écoute, je n'ai pas revu. Le dessin animé, pour moi, c'est associé à un... À Marie-Rose, non ? Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais souvenir. D'ailleurs, à l'époque, je ne savais même pas... Avant d'avoir le 45 tours, je ne savais pas que c'était Chantal Goya qui chantait. C'est vrai. Mais c'est associé à un souvenir un petit peu... Je ne sais pas si c'est pénible ou pas, mais ouais, pas forcément terrible. Ah, zut. C'est été 82, j'étais en vacances chez mon oncle qui refaisait la totalité de sa maison. Ça schlinguait la peinture et on était tous consignés dans une pièce. Peinture au plomb et tout. Hein. Et on était collés devant la télé toute la journée et il passait Booba toute la journée. Enfin bon, c'est le truc dont je me souviens de l'époque. Mais on avait globalement pas le droit de sortir et on était un petit peu schnouffés au White Spirit. Mais à côté de ça, il y avait Booba. D'accord. Donc ça allait. Mais c'était un peu tristouille comme série hein, dans mes souvenirs. J'ai des vagues souvenirs, mais j'en garde pas un souvenir ému. Bon, évidemment, comme toi, la chanson, moi, je m'en souviens très, très bien. Hein, parce que tu ressors ça aux soirées de l'ambassadeur, tout le monde dégaine mon petit ourson, quoi, tu vois. Même. Donc, quand... bon, et mais moi, j'ai une petite question pour toi. Oui. Comment s'appelle le petit garçon indien ? C'est Moy. Aucune idée. Si. Ah, c'est beau. T'as préparé. Il me semble. Hein, non, mais je crois que dans les souvenirs de parole, il me semble que c'est Moy. Très bien. Bon, bah écoute, là on est vraiment dans le thème, Madeleine, petit disque que tu avais à l'époque, Booba. Oui. Non, et puis c'était, visuellement, je trouve que c'était encore tout mignon, mais effectivement, je pense que l'histoire est un petit peu plus, un petit peu moins mignonne que le visuel. C'est vrai qu'à l'époque, on en a déjà plus ou moins parlé dans d'autres émissions, mais il y avait beaucoup de dessins animés un peu glauques hein, quand même. Tristoun, quoi. Demande si l'ours, à la fin, soit il meurt assassiné, soit il a grandi, puis il a égorgé le boom, quoi, tu vois. Mais c'est ça. Maintenant, on a des choses qui sont un peu violentes visuellement, alors que là, enfin, sur la forme. Oui. On avait, nous, des dessins animés qui étaient facilement violents, mais plus dans le contenu, enfin, dans l'histoire, dans la thématique. C'est ça. Il n'y avait pas forcément besoin de sortir des fulgures au point dans tous les sens, mais par contre, voilà. C'était du Zola Cinematic Universe, quoi. Exactement. Exactement. Ça résume tout à fait. Qu'as-tu choisi pour continuer? Ah, parce que moi, tu sais que j'aime bien l'espace, tu sais que j'aime bien les shérifs, donc j'aime bien les shérifs de l'espace. On s'écoute. XOR! Ne crains rien, il nous protégera. XOR, le shérif de l'espace. Alors, c'est un disque que j'ai eu, que j'ai encore, parce que je l'ai dû le racheter entre-temps. XOR, hein, composé par Paul Persavon, qui n'est autre que... Antoine Decaune, sous le label Narcisse X4. Tu te rappelles de ça, Narcisse X4? Oui, c'est de jarre, là. La petite toit ou le petit jarre, j'ai jamais trop su. Voilà, donc chanté par Jean-Pierre Savelli. Qui chantait entre autres Albator, Il était une fois espace, hein, Yetcha, hein, Remember, notre IRL et tout et tout. Yo. Gros affect, hein, on en avait déjà parlé sur le numéro sur les Sentai, donc XOR c'est la catégorie Space Sheriff, tu vois. Mm-hmm. Bon, on va pas rentrer dans les détails parce que bien évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus, bah écoutez notre ancien podcast. Il n'y a plus qu'à, tout est prêt. Il est là, il est fait. Et moi, c'est une des chansons, on va dire, dessin animé jeunesse, hein, slash jeunesse, que je préfère. De quand j'étais tout petit. Et puis, entre-temps, justement, j'avais découvert l'OST japonaise parce qu'elle était assez présente dans le dessin animé. Elle n'était pas trop, on va dire, galvaudée par différents génériques français, en tout cas. Ça n'a pas la tare Capitaine Flamme où on écrasait systématiquement avec la version française. C'est ça, Capitaine Flamme, il... Enfin bref quoi. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette chanson. Elle a vraiment, malheureusement, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je sais que de mémoire, en tout cas, ça avait fait vraiment un hit. Hein. Tous les gamins avaient le 45 tours de XOR. Hein. Ramène-toi du clip là où il a le jouet à la main et tout. Enfin, je sais pas si tu t'en souviens plus que ça. Non, le clip, non. Bon, bref, en tout cas, un souvenir vraiment, vraiment ému en parlant de dessin animé, du générique de XOR. C'est pas le générique le plus honteux, effectivement. Je trouve que voilà, c'est assez efficace. C'est efficace. Par contre, je regardais un petit peu la série à l'époque, mais j'avoue que j'étais un peu perplexe, quoi. Ah ouais, mais t'es pas très client de base, toi. Moi, j'adorais ça. Hein. Assez moyennement, les espèces de gros monstres en plastique qui ressemblent à des crosses entre des canards de salle de bain et des bouses. Ça m'a toujours laissé ultra perplexe. Quand j'avais rien de mieux, je regardais, mais voilà, effectivement. Mais par contre, c'est vrai que le générique était plutôt sympa et c'est pas le plus tard qu'on ait pu faire à l'époque. Musicalement et tout, c'était efficace. Ouais, non, ça va, c'est bien, c'est carré. Très bien, bon, ton deuxième et dernier choix dans cette rubrique, Wiz. Je reviens du meunion, parce que décidément, je ne tape que dans le meunion. Moi, je fais que dans le violon. Oui, parce qu'en fait, il s'agit, alors non pas du générique, parce que j'avais pas le 45 tours de ça, mais d'une chanson extraite de la série Le Village dans les Nuages, et c'est Paltok qui chante en 82, Vous, ça suffit. Ça suffit alors. Mais oui. J'ai tourné autour de la Terre, j'ai volé dans la stratosphère, je connais tous les raccourcis entre les galaxies. Je suis un pilote de classe, dans ma partie je suis un as. Dès que j'appuie sur un bouton, ce n'est jamais le bon. Vous, ça suffit, c'est pas gentil de dire du mal. Donne un animal. Ça s'en est trop, c'est un peu gros de raconter. Côté mauvais. Donc, en vous remerciant, bonne journée, merci d'avoir écouté l'émission. Voilà, donc c'était Paltok qui chante « Vous, ça suffit » en 1982. Je ne vais pas dire que je triche, mais en fait, c'est la face B, parce que je préférais la deuxième chanson à la première. Mais sur la face A, il chantait entre autres... Enfin, il chantait pas. Il chantait « Je suis un rigolo ». Ah oui. Voilà. Alors, j'aimais beaucoup ce 45 tours-là, mais en fait, c'était faute de ne... faute presque de mieux, parce qu'en fait, la chanson que je voulais à l'époque, c'était « Moi, vivre avec les abards ». D'accord. Qui me fait encore mourir de rire aujourd'hui, mais que voilà, qu'on n'a jamais trouvé au supermarché. Je sais pas si le 45 tours est sorti, mais en tout cas, on l'a jamais trouvé. Et à la place, on avait pris Vous, ça suffit. Et finalement, bah, c'était pas si mal. J'ai pas perdu au change. J'étais content. Donc voilà. Après, bah, sur la série, tout le monde s'en souvient plus ou moins. Probablement moins comme d'habitude que L'île aux enfants. Ah bah oui, c'est sûr ça, que là, c'est le successeur. Tu tapes dans le blockbuster, quoi, L'île aux enfants. C'est hein. Ça. Mais en fait, c'est quand même un peu le successeur entre 82 et 85 sur 650 épisodes et plein de chansons. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont sorties, mais en tout cas, il y avait celle-là. Et j'avoue que le disque a beaucoup fonctionné, beaucoup tourné à l'époque. Et ça m'amuse toujours autant, en fait. D'accord. Bah, écoute, bah, évidemment, on a un peu préparé ensemble. Bah, certes. Zéro souvenir. Hein. Désolé, oui. J'ai des bribes, hein, mais là, présentement, je ne sais pas. Tu connais pas, alors peut-être les auditeurs de oh là là, Mikado, tu te rappelles pas de ça et tout, mais je sais pas. Donc, je sais pas, comme il y avait quand même une fois de plus pas mal de trucs déjà à l'époque qui étaient un peu plus violents, Castagne et compagnie, et que c'était nettement moins ma cam. Peut-être qu'il y a toute une catégorie de gamins d'époque qui ont loupé ou qui ont passé juste en pointillé Le village dans les nuages, alors que moi j'étais vraiment à fond dessus, quoi. Ouais, c'est ça, t'étais de base, t'étais réceptif, quoi. C'était beaucoup plus ma cam que XOR, voilà, justement, pour ne dire que ça. C'est ça. Donc tu as un deuxième 45 oui. Tours jeunesse. C'est ça, si je te dis que nous sommes au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, celui qui veille quand le gouvernement intersidéral appelle, quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, oui. Le capitaine Flamme. Tout à fait. Non, parce que ça aurait pu être Hercule Poirot, mais en fait, non. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici. Donc, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Voilà, donc là, je te cache pas que j'ai sorti les blockbusters 45 tours d'époque. Hein. On avait déjà fait une émission, tu étais déjà là. Hein. Absolument. On avait même reçu, entre guillemets, une micro-interview de la voix de Capitaine Flamme, aka Philippe Ougouze. Hein. Aussi, Ken le survivant, puis d'autres. Mmh. Voilà, nous ne citerons pas. Parce qu'on s'en rappelle parce plus. Parce qu'on a oublié. qu'on n'a pas préparé comme il faudrait. Pour moi, c'est de la grosse madeleine. J'aime beaucoup cette pochette. Je m'en souviens bien. Je l'ai rachetée il n'y a pas très il y a quelques années, mais je me souviens parfaitement de la jaquette. Donc, c'est un 45 tours que j'ai eu. Mmh. Bah, le générique, il était plutôt chouette. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, hein, oui, on va pas se mentir, on a découvert quand même la version originale de l'OST. Pas récemment, parce qu'à l'époque, même si, comme je disais on l'avait, tout à l'heure, ouais. Elle écrasait, la version française écrasait un petit peu la musique d'origine. D'ailleurs, on en avait parlé quand on a fait l'émission sur Capitaine Flamme. La première chose, avant même le visuel, qui m'avait happé dans cette série, c'était la musique de Yuji Ono. C'est vrai que maintenant, quand tu regardes les épisodes, c'est difficile. Parce que ça écrase la musique de Ono, hein. Tu le dis très bien. parce que des fois même des dialogues. Hein. Il doit y avoir au moins un épisode où il y a une scène où il se passe quelque chose où on voit les personnages parler. Oui, mais c'est couvert. Et c'est recouvert par le générique parce qu'ils savaient pas quoi mettre. Et je me demande si c'est peut-être pas pour ça que la musique et le générique est si culte, parce que sur un épisode, tu dois bien l'entendre 5-6 fois quand même, en tout, quoi, en tout et pour tout. Quoi. Ah oui, c'est du vrai matraquage. Alors, c'est pas les maîtres de l'univers, mais on a presque l'impression que la série elle a été faite pour vendre le 45. C'est pas faux. Alors, oui, je vais faire appel à tes souvenirs, parce que c'est quelque chose que j'aime bien évoquer. Nous avions été, il y a plus que 20 ans maintenant, hein, à la Blue Bee Bulga Night, hein, toi et moi, avec déjà Mikadette. C'est vrai, hein. C'est exact. Et je sais pas si tu as le souvenir de la foule quand bah justement le générique de Capitaine Flamme était sorti à l'époque. Oh bah il y avait pas mal de choses où les gens réagissaient effectivement. Ah ouais, ça... bah c'était peut-être même celui où la foule était en délire. Hein. Enfin voilà quoi. Donc gros souvenir, grosse Madeleine de Proust sur le générique de Capitaine Flamme. Et toi d'ailleurs, pardonne-moi, quel est ton affect? Tu sais que j'ai volontairement dans l'IRL qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, où on explorait nos souvenirs des années 80, je n'ai pas mis de sélection au niveau dessin animé, parce que ça n'aurait absolument pas été une surprise. Mon dessin animé préféré, ça reste Capitaine Flamme. Ouais. Ça reste tu valides, alors. La BO d'origine, si ce n'est ma BO préférée. La chanson française est excellente. Et puis, je casse quand même que voilà, c'est le deuxième disque de cette sélection qui a été écrit par Roger Dumas, composé par Jean-Jacques Debout. Oui, donc c'est après vrai, j'aurais Dubas, pu le citer. Ouais. Parce que c'est quand même l'équipe Goya qui est derrière. Donc voilà, ils ont fait quand même des trucs sympatoches. Hein. C'est marrant parce que le titre est interprété par Richard Simon. Alors déjà, Mr. Wiz ne sait pas qui c'est, donc déjà moi ça m'a inquiété, parce que j'ai le vinyle là sous les yeux. Et Richard Simon n'est crédité nulle part. Alors c'est on a regardé... un monsieur avec des boutons de quatre couleurs, non, c'est pas ça? Et donc, on a fait notre petite enquête et notre ami Yetcha des Wikipédia, parce qu'on a trouvé un Richard Simon, mais il serait né en 1600 quelque chose. 1635 ou comme ça. Donc, Yetcha va nous refaire l'historique du truc. Mais malheureusement, on n'a aucune trace de ce monsieur. Donc, bon, bah voilà, il restera accrédité ou pas Capitaine Flamme, quoi. Voilà, il manque cette info. Mais si jamais vous vous reconnaissez, surtout n'hésitez pas à nous écrire. Et envoyez-nous des sioux. Voilà. Donc, on a fini notre petite partie jeunesse. Hein. Oui. Maintenant, on va attaquer à difficile choix, parce que c'est le truc où on est un peu moins à l'aise, hein, Wiz et moi, hein, sur le choix des 45 tours francophones. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour ton premier choix? Alors, une fois de plus... J'ai reparcouru dans ma tête, parce que je ne suis pas à côté de mes 45 tours, ma collection, et je me suis rappelé de quelques disques que finalement j'avais et qui sont français. Oh. Et j'en même pas québécois. Même pas québécois. Et donc je crois que j'en ai pas un seul en fait. Et je me suis rappelé d'un disque de 1984, oh. Qui est pas le plus glorieux que je peux avoir, mais dont je n'ai comme d'habitude absolument pas honte. Mm-hmm. C'est une chanson qui s'appelle Ce mec est too much, oh. Et c'est interprété par les Coco Girls. C'était les Coco Girls qui chantent Ce mec est too much, donc de 1984. Donc chanson, le 45 tours contient deux chansons plus le générique de l'émission qui accueillait ces deux fameuses chansons. C'est un maxi alors? Non, parce que le générique il dure 40 secondes. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il se trouve que sur c'est la quel date, générique Coco c'est Boy. Cocorico. Ah, ah, non, c'est sur Cocorico Cowboy. Ah oui, oh là là. Il y en voilà. A eu tellement. Et donc sur l'autre face, il y a ça plus fait Colari, moins du Coco cha-cha-cha. Show, Colari Coco Show, je crois que c'est sur la 5. Ah, voilà. il me semble. Là, on est sur TF1. Il me semble que tu as un ami qui t'a trouvé le 33 tours quand même. Des... Absolument. Ah, je me demande qui c'est, mais ça devait être sûrement un mec super cool. Il me semble que c'était toi. Donc, effectivement, maintenant, j'ai en prime, donc j'ai le 45 tours d'époque, j'ai le CD de la fameuse collection Référence 80, qui est une collection excellente, et de bon goût. Et puis donc maintenant aussi le 33 tours d'origine, c'est un immense plaisir. Après, que dire, c'est voilà. Enfin moi, je, comme tu sais, je regardais beaucoup l'émission, même si effectivement maintenant, bon, je trouve ça moins drôle qu'à l'époque. Mais à l'époque, je trouvais ça très drôle. Et comme c'était une émission qui avait plein de chansons et plein de séquences un peu rigolotes, effectivement, je trouve que les chansons, elles étaient plutôt marrantes à écouter. Alors effectivement, peut-être plus pour un public jeune qu'un public de quinquagénaire à l'époque. Je sais pas s'il y avait... Oh, ça nous échaudait un petit peu quand on était enfant, parce que j'étais plus... Ah, mais il y avait le visuel, mais la musique, la musique était marrante, quoi, donc... Oui, bon, c'est plus moins la musique que je retiens, mais... Moi, je n'ai pas acheté le 45 tours pour le visuel, j'ai acheté le 45 tours, enfin, je crois que je me le suis fait offrir pour probablement anniversaire 84, et c'était vraiment pour la musique, parce que c'était drôle. Donc c'était dans le cadre du Colaro Cinématique Univers. Exactement, et voilà. Slash Roucas crossover. Voilà, mais toujours aussi drôle et toujours aussi marrant, Sophie Favier, la bise. Donc, un petit français pour toi. Je suis sûr que tu as une bonne sélection encore. Eh bien, c'est marrant parce qu'on avait fait de gold la dernière fois, des Toulousains de gold. Bah, là, c'est encore un Toulousain. Et maintenant, tu fais silver. Je vais vous proposer le titre « Taï Nana » du groupe K-Zero, 1986. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique, que tous les voisins appelaient Taï Nana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange. Quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil, car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui madame. Donc c'était la chanson Taï na na na na na na du groupe. Et là les auditeurs, normalement, vous avez tous le flashback parce que c'est une chanson absolument épouvantable mais qu'on a tous connue, on a tous chantonné. Je suis désolé, j'ai pas très peu de sources à vous raconter, ou enfin en tout cas les quelques infos que j'ai glanées de ci de là sont assez insipides, donc je les ai pas retenues. C'est vraiment la Madeleine hein, parce que quand t'es un rythme assez assuré, assez Don Tempo, je sais pas comment t'appelles ça, Wiz. Mais quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas... Ça fait un peu ska sur les bords. Ah oui, mais en pas bon alors. Hein. Bah en pas bon, pareil, bon ou pas bon, suffisamment pour qu'on y revienne. Donc ça avait quand même une certaine efficacité. Gros carton auprès du top 50. Que te dire que le clip, en fait, je pensais qu'il y en avait un, mais en fait, non, c'est un espèce de bonhomme qui est habillé un peu en champêtre, on va dire, pour pas dire plouc. Et voilà, il n'y a pas tellement de sources sur Internet, sauf que c'est probablement le seul et unique titre qui a cartonné à l'époque. Et que, en revanche, ça m'avait énormément marqué, que j'adorais, que j'aimais bien mettre dans mon petit manche-disque. Et que je pas que j'ai un affect particulier, mais en revanche, le côté Madeleine, dans le cadre de l'émission, est complètement justifié. D'accord. Bah, écoute, moi, j'étais, je vais pas dire hardcore, mais limite de la chanson à l'époque, que j'avais pas en 45 tours, mais pareil, que j'avais dû choper à la radio d'une manière ou d'une autre. Et je trouvais ça excellent. Mais vraiment excellent. Ça me faisait mourir. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, toujours. Je trouve ça pareil, encore un truc qui est, je pense, nettement plus cartonné auprès d'un public jeune que, à mon avis, passé 25 ans, ça marchait plus. mais on était la cible quelque part. Mais je pense qu'on était un peu la cible. 86, ouais, on avait une dizaine d'années, peut-être, ouais. J'ai du mal à écouter, j'ai du mal à imaginer des cadras même écouter ça. Enfin, j'ai l'impression que ça a marché, mais que, sur une tranche d'âge assez définie, même si c'était pas forcément ciblé, mais c'était drôle. Je crois qu'ils ont dû faire une chanson ou deux de plus, et c'est à peu près tout. Donc voilà. D'accord. Mais c'était marrant. Bon, écoute, qu'est-ce que t'as retenu de ton côté? Alors moi, je fais un grand bond qui triche encore une fois très légèrement, mais comme je suis très limité en 45 tours d'époque, si on y retourne, on fera des 45 tours qu'on a achetés après coup. Hein, mais là, je reste que sur les 45 tours achetés à l'époque. Et bah, il m'en reste vraiment plus qu'un sans faire du doublon avec d'autres trucs. Et c'est en 90, donc désolé. C'est Vanessa Paradis et c'est la chanson Tandem. Ah oui. Et voilà, c'était Tandem de Vanessa Paradis, 1990. La petite anecdote, l'anecdote principale, c'est que c'est le dernier 45 tours français que j'ai acheté. Ever. Donc, Ever. À l'époque. Après, c'était des occasions dans des brocantes, mais machin. Mais c'est lors de la commercialisation. Quoi. Lors de la commercialisation, c'est vraiment le dernier et ça faisait suite à un blanc de plusieurs années où j'avais rien pris du tout parce que j'écoutais que de la musique classique. Alors pourquoi ce titre, Pourquoi ce titre? Bah, je sais pas. Je m'étais remis à écouter la radio, il y avait quelques chansons qui étaient plutôt pas mal et moi j'ai jamais rien eu contre Vanessa Paradis, je veux dire musicalement parlant, et j'ai trouvé que les chansons qu'elle faisait à l'époque étaient plutôt vraiment pas mal. Et je trouve que ça vieillit pas trop mal. Ah, moi, non j'aime plus. Bien, moi, là tu prêches un convaincu, je suis pas client de Vanessa. Oui. Mais en revanche, s'il y a une chanson que je dois retenir de Paradis, c'est celle-ci. Quoi. Franchement, C'est assez solide, clip, je trouve. Hein. Il était assez visuel, tu vois, un peu. On sort les guitares, les cheveux longs, un peu dorés et tout. Enfin, tu vois, moi, j'aimais bien. Oui, il y a un côté. Bon, cette fois-ci, la puberté, c'est derrière. Voilà. Donc, on a assumé, quoi. Il faut toujours. Il y a toujours un moment où les enfants chanteurs, les bébés chanteurs, font un truc pour dire écoutez, maintenant c'est fini, on passe à autre chose. Sauf ceux qui n'atteignent pas ce stade-là, genre Jordi. assez cendre. Mais. mais effectivement, ça a été, je pense, le point de rupture pour Vanessa Paradis et, pas à côté, quoi. Le tournant a été vraiment bien négocié. Après, moi, je ne suis pas un fan absolu, je ne connais pas moi bien non plus, sa carrière. Moi, je connais très peu. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait avec Lenny Kravitz, oui, pas pareil, longtemps ouais. après. Ouais. C'est la seule période de Paradis que j'ai suivie, après, c'est tout. Très, très, très, très bon choix. Je valide chaudement. Donc, un deuxième 45 tours français chez vous. Oui, alors on va évoquer un petit peu la paresse au féminin. Donc, je te parle de C'est la Watt, chantée par Caroline Loeb de 1986. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la Watt. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. belle et pensive, en négligé de soi. C'est la voix. Donc c'était C'est la Watt. Alors pourquoi je dis ça? Parce que donc c'est un disque qui était édité chez Barclay, qui a cartonné parce qu'il s'est hissé jusqu'à la cinquième place du top 50 avec plus de 301 000 exemplaires. Et c'est marrant parce que j'avais vu un reportage justement où elle revenait sur la chanson, parce qu'elle est assez équivoque, c'est-à-dire que officiellement ça évoque la paresse d'une femme en fait, dont le comportement est comparé à la ouate, parce que la ouate c'est doux, c'est moelleux, ça. Mais en réalité, mon petit Wiz, je crois qu'en fait elle voulait dire que ça, la ouate, ça pouvait être aussi soit des petits cachets un petit peu bizarres, soit des petites poudres de farine dont tu faisais quelques lignes ou etc. Tu vois. Ah peut-être. Enfin voilà, donc pas, c'est assez. Je n'ai pas écouté d'interview. C'est sur assez ce ambigu. La chanson a plusieurs sens, un peu comme tu sais ma petite entreprise, tu vois. Je trouve que on connaît la chanson, mais en réalité, lui, il pensait juste à une chanson un petit peu coquine, pour être poli, tu vois. C'est le genre d'histoire que j'aime bien écouter sur les chansons, et celle-ci en fait partie. Alors, je sais que ça va te plaire. Palace, mon Wiz. Oui. Et les pubs, c'est la MAF. Tout à et fait. Bah voilà, donc c'est une reprise de C'est la Watt. Oui. Voilà, donc c'était pour placer. Là, non, mais je l'ai gardé parce que, bon, Palace, c'est, je crois, selon mon ami Wiz, probablement une des meilleures séries ou programmes français ever, quoi. Oui. Pour pas dire merci Bernard. C'est vrai, ça. Voilà, oui, c'est vrai. De toute façon, Jean-Michel Ribes forever, donc voilà. Voilà, donc c'était pour te faire une petite dédicace, ça tombe bien, t'es en face de moi. C'est gentil. Et toi, alors, Caroline Loeb? Et moi, à fond, pareil, encore un 45 tours que j'aurais aimé, mais que je n'ai pas eu, et que Jésus en cassette, et à la radio. Jésus revient, quoi. Et que Jésus revient. C'est ça. Et voilà, et c'est... On en a parlé, je ne sais plus à quelle occasion, mais on en a parlé. Elle marche encore, la chanson, je trouve. Hein. Elle fonctionne encore. Ouais. Je ne sais pas si on n'a pas ça dans une des IRL qu'on a fait. Je me demande si ce n'est pas sorti à ce moment-là. Genre en chanson de honte? Oh donc, non. Soit en chanson de la honte, soit en... Enfin, il y a eu quelque chose. Ah. Et je continue à me demander si ce n'est pas la meilleure chanson française des années 80. On recommence à radoter, mon bon Wiz. Hein. Mais c'est possible. Bah oui, à force, on finit par retomber sur des trucs, des murs où on s'est déjà cogné. C'est ça. Mais ouais, je me demande si ce n'est pas la meilleure chanson française des années 80. Ah ouais, carrément. Moi, c'est... Ah ouais. Moi, c'est, ah bah, c'est tu... possible que ça soit ma préférée. Donc tu valides mon choix, quoi. Complètement. Bon, bah, tu me fais plaisir. Donc, après avoir fait notre petit tour hein, de titres francophones, hein, c'est vrai qu'il y a à boire à manger, mais dans tous les cas, je suis persuadé que, chers auditeurs adorés, vous aviez reconnu les titres. Et ben, on va sélectionner notre dernière partie, à savoir les titres internationaux que nous avions eu en 45 tours. Wiz, évidemment, ton premier choix. Et ben, on reste en 84, enfin, retour en 84 après les Cocochemules. Ça sera Break Machine. Break Machine. Absolument, avec le titre Break Dance Party. Oh yeah. C'était Break Machine avec Break Dance Party de 84. Voilà, donc dans la folie du HIP, HOP, du breakdance. Ah, oui, oui. C'est le deuxième 45 tours après Street Dance. Ah là là, Street Dance. Du fameux groupe américain, mais qui en fait est une pure création française du groupe Morali, Belolo, aka les Village People. J'aimais bien. Ils avaient quand même sacrément bien rebondi pour faire les gloires du disco et ensuite arriver à choper, à shipper, à choper la nouvelle trend, la nouvelle mode musicale et à sortir des trucs qui marchaient. Parce qu'ils avaient fait ça, ils avaient ressorti dans, au même moment AirTag Kit de son poumon d'acier avec des chansons comme Where Is My Man qui ont quand même vachement cartonné à l'époque. Et donc ils arrivaient à ressortir des trucs alors que voilà quoi, deux mois avant ils étaient considérés comme morts et enterrés. C'est ça. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le groupe parce qu'il y a pas forcément grand chose à dire. Oui, c'est un groupe préfabriqué. C'est un peu préfabriqué. Oui, un petit peu les ancêtres des dance machin et des boys band quoi. Et exactement, mais c'était super efficace. Ah, oui. Je trouve que ça marche encore vachement bien. C'est une très très jolie madeleine. J'ai choisi ce 45 tours là plutôt que le premier pour moi, une c'est raison street toute dance, bête. À mort. Hein. Ouais, mais on avait eu ta ta ta ta ta ta, ta street dance ta ta tit. Bon, ok, je te pourris ta rubrique. On avait de temps en temps des cadeaux comme ça de 45 tours groupés pour ma sœur et moi, et pour une raison qui m'échappe, ma sœur avait eu Street Dance et moi j'avais eu l'autre, donc c'est pour ça que je chronique l'autre, parce que l'autre c'était le mien. C'était ton tien quoi. C'était mon mien, même si j'avais tendance à piquer assez souvent le disque à ma sœur parce qu'en fait elle aimait pas. Et c'est considéré comme du hip-hop alors ? Entre guillemets, non ? Je sais pas en fait comment on dit. Pour moi c'est du funk. Hein. Rhône, si tu nous écoutes, on te sait fan de ce genre. Enfin, en tout cas, je l'espère. Si tu as une expertise à ajouter, n'hésite surtout pas. Tu connais mon numéro. C'est ça. Enfin, moi, sinon, je mets ça plutôt dans du funk. Voilà. Donc, nous allons pouvoir passer à ta première sélection. Ah oui. Oui. Et là, encore une fois, on est à fond dans le souvenir. Hein. Moi, c'est Madonna, hein. Ma sœur aînée, fan absolue de Madonna. Ah, ta sœur aînée, c'est Madonna. Donc, ta mère, c'est Bonnie Tyler. Ta sœur, c'est Madonna. Dans quelle famille ? Et mon père, il jouait chez... Il jouait chez Sacré Soirée. Non, c'est quand même... Oh merde. Ça brille partout, attention, il y a des paillettes sur les meubles de la cuisine. Putain, c'est la vérité ou pas ? Eh oui. Et donc, le titre que j'ai retenu, c'est 1984, Madonna, Like a Virgin. Décidément, il y a une thématique 84. Hein. C'est clair. Bah, gros affect, hein. Madonna, comme je l'ai un petit peu dit en introduction, Like a Virgin, c'était les disques que ma sœur donc, collectionnait. Je me souviens même avoir scratché un petit peu avec sa platine, et, parce que c'était un petit peu à la mode. C'était genre un peu la mode, quoi, oui. Et que j'ai, comme tous les garçons d'époque, pété le diamant de sa platine, donc mon papa était moyennement content, dirons-nous. Et j'aime beaucoup, moi, je ne suis pas un fan absolu de Madonna. Mais ce titre-là m'a vraiment marqué. Et donc, pareil, on va dire que c'était pas moi. Moi, je triche, hein, je suis pas comme toi. C'était pas mon mien, c'était, on va dire, ceux de ma sœur, mais que j'ai écouté très religieusement. Donc, c'est un titre qui est produit par Nile Rodgers, aka... Akashic. Akashic, voilà. Et c'est surtout le premier titre de Badon... De Madonna. Il invente. T'es con, j'ai perdu le fil. Donc, c'est surtout le premier titre de Madonna qui a caracolé en tête du Billboard. Voilà. D'accord. Donc, Madonna, il y a eu beaucoup de titres après, mais le premier gros succès de Madame, c'est celui-ci. Et c'est celui qui m'a en tout cas le plus marqué parce que c'était révolutionnaire, on va dire, à l'époque, le genre, quoi. Et toi, mon Wiz ? Eh ben, je suis passé à côté. coup. Mais j'ai pas du tout de souvenirs d'époque. Donc c'est quelque chose qui avait pas dû me... C'est pas Team Madonna. Qui m'avait pas, à l'époque, qui m'avait pas marqué plus que ça. Probablement entendu, mais ça avait dû ressortir aussi sec. Mmh. Moi, j'ai commencé à vraiment entendre Madonna de manière un peu prolongée parce que quand True Blue est sorti, qui est 2 ans après, ma sœur a eu le 33 tours et qu'elle m'a martelé les tympans avec ce truc-là. Du coup, t'as appris à l'aimer. Et à force de, voilà, d'avoir les tympans martelés avec ça, j'ai fini par apprécier. Et j'ai... La Isla Bonita. Ah non, mais je m'en tapais la tête contre les murs à l'époque. Ah, ma sœur, c'était ça aussi. Voilà, que maintenant, j'ai le vinyle. Enfin, voilà quoi. Donc, et à partir de là, je suis revenu un peu en arrière sur les chansons plus anciennes. Donc, moi, j'aime bien Madonna dans les années 80, mais uniquement dans les années 80. Moi, j'ai Madonna, j'ai vraiment pas du tout suivi sa période 90s. En revanche, au début des années 2000, elle a fait vraiment quelques chouettes albums. Bah, quand elle a fait du Nono, du Morshiba. Ouais, un peu, bah oui, désolé, quoi. C'est vrai que ça sonnait, et comme tu le sais, c'est un joueur que j'affectionne. Hein. Et Ray of Life, tout ça, c'est vraiment l'album de Madonna que je préfère, qui est de 2000, je crois, de mémoire. Ouais, que moi, non, ça m'avait... voilà, il n'y a que le côté vraiment bébête, bébête d'époque, un peu, voilà, un peu cucu années 80, oui, j'aime oui. bien. Non, quand elle chante sur du Austin Power, non, t'es pas réceptif. Si, ça va, mais c'est moins. La la la la la la c'est la moins la elle, la en la fait. La ça fait plus travail de commande. Donc, oui, sur, sur cette BO-là, la chanson ne me heurte pas plus que ça. Quoi. Très bien. Donc, on attaque ton deuxième et dernier choix de notre sélection tout court. Hein. Qu'est-ce que tu as retenu pour clôturer un petit peu? Eh ben, après les trucs, je dirais, obscurs, vu qu'il y en avait un, au moins un qui était moins connu chez toi, voire pas connu du tout. Là, je finis sur du carton et ça sera Wham! Ah. Avec le fameux Wake Me Up. Quelle année? Hein, 84 encore. On n'en sort pas. Bienvenue à 80's 1984. Exactement. Quoi. Et voilà. Mais c'est parti. Donc reconnu le Wake Me Up Before You Go Go de Wham et donc de 1984. Il le fait tellement bien, c'est formidable. Et ben encore un titre qui a dû venir parce que ça passait, ça a dû passer au top 50, je pense. Ah, c'est chantant. Ou dans un, ou peut-être sur Platine 45, parce que 84, il n'y avait pas encore de top 50. Donc, je sais pas, mais je l'avais vu à la télé et j'avais vu le clip qui était quand même assez, pareil, assez bariolé, assez joyeux. Et j'ai pas entendu vraiment de chansons de George Michael et compagnie avant celle-là, même s'il y en avait eu d'autres. Oui, oui, oui. Oui. C'est vraiment un peu la... celle qui a révélé un petit peu en tout cas en chez Europe, moi. Quoi. Ouais, ou chez nous. Ouais. Et l'avantage, c'était que la pochette du 45 tours, elle était tellement multicolore que c'était facile à trouver. Je crois que celui-là, je l'avais pris chez Carrefour. Et voilà. Non, mais je me souviens même des endroits où ça a été acheté. Et voilà. Et la pochette était vachement marrante. Et... Continent, non? Achat gagnant? Non, non, Carrefour. Combien le prix? Je me souviens. Comment, monsieur, tu avais mes vinyles là? Oui, qui sont t'as encore les étiquettes. Il y a les prix. Il y a les prix devant. Ouais, moi, je ne les ai pas forcément, les étiquettes encore. Hein. Très bien. Mais ça devait être dans les 17-20 balles. Hein. Bon, malheureusement, j'ai qu'une seule étiquette. Mais c'est XOR. 14,90 francs, monsieur. Un Maryse, tu dis plus rien. Non, je dis qui dit mieux. Voilà. J'ai envie de dire. Donc voilà, donc c'est la première, effectivement, je pense, grosse réussite du groupe Worldwide. Et la chanson, voilà, c'est un classique, ça marche encore à mort. Ouais, moi je valide. Hein. Franchement, j'ai l'album, mais j'y passe bien en général, quoi. Enfin, le sax et tout, Carless Whisper. Non, ça, bah oui, non, ça. Bah, pour le coup, j'avais pris. Last Christmas. Je ne savais même pas que c'était la même personne, parce que justement, j'avais eu à ce moment-là, c'est pareil, ça devait être aussi dans mon lot anniversaire, à la fois le Wham et Carless Whisper, mais qui était estampillé George Michael, même si c'est sorti sur l'album de Wham. Et pour moi, c'était deux personnes totalement différentes. Je ne savais pas du tout. Et On l'a évoqué plusieurs fois, hein, le dossier Wham, hein, parce qu'une fois, on avait fait, je ne sais pas si tu étais déjà avec nous, les clips un peu honteux ou pas ultimes, un truc comme ça. Non, je ne crois pas que j'étais encore. Et on avait évoqué le dossier, justement, Last Christmas, qui est, qui est sommet, un must, hein. Le sommet, n'ayons pas peur des mots, de la kitschitude. La kitschitude. Et du coup, il y a un bottom. Il y a un côté, c'est doux, c'est neuf, non? Voilà. Avec Myrlène. Avec Wham. C'est ça, avec Wham. Avec Adoucissant. L'avait chez Wham avec Myrlène. Donc c'est à Wham maintenant? Maintenant c'est à Watt. Hein, parce c'est à que Watt. C'est la Watt. On est en train de tuer l'émission. Pas mieux. Eh bien, dernier choix du jour. Moi, on va être un peu moins festif parce que moi, je vais te faire rentrer dans l'armée. On s'écoute Statu Quo qui chante You're in the Army now, 1986. C'est la suite de In the Navy, c'est ça? C'est curieux parce que je te dis peut-être une ânerie, tu sais, les souvenirs sont un peu galvaudés, hein. Ça a plus de 30 ans cette affaire quand même. Hein. Et je crois que c'est un groupe que mon père aimait bien. Du coup, alors est-ce que c'est un peu des souvenirs, je te dis, qui sont un peu flous, mais il me semble que mon papa avait au minimum le 45 tours. Et c'est curieux parce que j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression que ce soit son type de musique. Alors, peut-être que je me trompe, je sais pas. Ou peut-être c'est parce que je l'avais dans ma pile de 45 tours. Et t'as fait une association malheureuse, ouais, c'est possible ça. Aussi. Ben, moi j'aime beaucoup ce titre. Hein. Bon, les paroles ne sont pas hyper joyeuses. Hein. Tu es dans l'armée maintenant, en gros, ça va, t'as quitté maman. Maintenant t'es dans l'armée. Va mourir. C'est ça, tu te tais. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à raconter. À part que c'est un titre que j'affectionnais vraiment beaucoup à l'époque. Que je réécoute avec beaucoup de plaisir, même si les paroles entre guillemets sont légèrement pesantes. Il faut savoir quand même que ça a été top 10 dans 9 pays, dont le Royaume-Uni et la France, et que le titre s'est vendu jusqu'à 75 millions d'exemplaires. J'hallucine. Ouais, chers auditeurs, on a mis une pause quand même. Sachez-le. Oui, pour revérifier. Parce que, on a revérifié parce que c'est quand même assez colossal quand même. Hein. Bah oui, non, parce qu'on avait quand même, Caroline Loeb 300 000. C'est pas mal déjà. On avait Dorothée la dernière fois avec son million. 75 millions, effectivement, ça fait. 75 fois Dorothée, quoi. Ça fait 75 Dorothée. C'est comme un tremblement de terre, j'ai envie de dire. As-tu quelque chose à ajouter? Et non, et toi? Eh ben, écoute, je me souviens vaguement, mais elle m'a vraiment pas marqué, cette chanson. A posteriori, oui, c'est un bon truc. C'est pas un impérissable parce que je la trouve ultra répétitive. Oui. Quand même, mais vraiment. Ouais, mais tu vois, c'est typiquement le truc qui se prête bien aux 45 tours parce que l'album, je le connais pas, tu vois. Enfin, c'est. Mais personne le connaît. C'est un peu... Ils ont vendu 75 millions de singles et ils ont vendu deux albums. Et. Ouais, mais ils n'ont pas fait deux albums, ils ont vendu deux albums. Ils en ont vendu deux, dont un pour maman et un pour papa. C'est ça. Et non, j'en sais rien en fait. Mais voilà, non, c'est très sympathique, sans être pour moi impérissable. Et je ne l'avais pas en 45 tours, je ne l'avais pas enregistré à la radio. Et voilà. Je n'achèterai pas. Puis et je n'achèterai pas plus que ça, non, voilà. Et j'ai absolument aucune connaissance connaissance du groupe, comme je pense plein de gens, on dit ça, bah, tu, c'est la seule chanson qui tombe. Donc voilà, c'est un choix sympa, mais c'est pas un choix que j'aurais. Très bien. Donc bah, là, on arrive à la fin. Hein. La dernière fois, c'était moi qui avais clôturé, j'avais imposé mes mondes engloutis. Rappelle-toi. Oui. En même temps, on enregistrait hier soir en off, mais bon, faut pas le dire ça. Ça, on le fait bien, on acting un peu là, non? Non, c'est bien. Tu te rappelles? Oh là là, c'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a plusieurs heures. C'est ça. Oui, c'est vrai. Donc quand même, voilà, il faut le savoir. Et donc cette fois-ci, c'est toi qui as décidé de clôturer. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Eh bien, nous allons finir avec Le Village dans les nuages. Voilà, deuxième chanson de l'émission. Comme maintenant, grâce à Merci Discog, j'ai le plaisir d'avoir le 33 tours des chansons de l'émission, je vais pouvoir terminer avec ma chanson fétiche, Vivre avec les abars. À très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bien, j'ai mauvaise mine ce matin. Pendant toute la nuit, les abars ont fait du bruit. Et il y a des bêtes, le bruit c'est dans ta tête. Tu joues les grands nerveux, les abars dormaient chez eux. Moi, vivre avec les abars, ça me donne le cafard, j'en ai vraiment dit, venez chez moi, il y a du bougounia, fourzu, farine de bron, on a mangé comme des cochons. Facile avec les abars de les lancer dans la bagarre, suffit de dire à qui rock, t'es une cloche à 10 paltocs. Moi, vivre avec les abars, ça me donne le cafard, j'en ai vraiment marre. A fait des loopings toute la nuit. Au réveil ce matin, j'étais déjà dans mon bain. J'ai raconté à Pantanoc, Emilien est un vieux schnock. Pour lui, c'était gentil, il a redit.